fenêtre ouverte, une Philippe entre les lèvres. J'observe les pas murlés vertes et leurs clips qui vendent du rêve. Vient l'heure de m'agiter, lundi début d'après-midi. Pardi que je zappe leur JT, j'ai bien trop vu leur comédie. Et j'amorce un sourire jaune comme ce grand soleil. Toute cette faune sans l'oseille cherche la force de ne pas pourrir. Le téléphone sous silencieux, à louper toutes les perches, à douter, me faire des faux prêches et des peurs bleues comme sont les cieux. Deux, trois scouts au kiosque, trajet circulaire, même sous ce temps caniculaire, nous on tapait des foot au bosque. Prends congé de cette époque, dans un léger rectus, nombreux se sont rangés d'un bloc. Il a neigé sur des cactus, enfin bref. Il est 3h, place de la raquette, les petits oiseurs font les chefs. En quête de belles conquêtes, croisent renom trace au petit port. S'installe de demi-fraise, sous le sun parle de rap de sport, de cette petite frappe de Suarez, environ 5h. Je file au parc, claque le son dans l'écouteur, c'est à un fil que tient ma barque. Les élèves ont des sacs de marque. Le bac à l'horizon, rêve de la fac pour guérison. Moi j'observe celui de la marque et les marmots autour niqués. Encore souris mature, mot pour mot dans le futur. Tour à tour les voix tout niquées. Regard triste ou fataliste, non nourri au réel. Je traîne ma part d'idéaliste quand je souris à leur prunelle. Quand je souris à leur prunelle. Quand je souris à leur prunelle. C'est la mélodie d'un jour de juin. C'est la mélodie d'un jour de juin. Entre les on-dit et les bonjours de loin. Entre les on-dit. De loin. Des mecs maudits au bec, des mêmes toujours un joint. Des mecs maudits au bec, des mêmes toujours un joint. C'est rien, et pour les miens. Ce petit coin de paradis dont ça parodie tout du moins. En soi rien de super, le manque de points sur les mi-pères. Les coups de poing, les langues de vipères. Entre les miens ce sont du père, lance des parfums dans du ciment. Quand leur sang a le démon, moi je vois rue Saint-Simon. Le silence en licenciement, sérieux le décor m'émerveille. Sors mon larfeuille pour des clopes, les vieux encore pleins de la veille. Me toisent d'un œil comme des cyclopes. En partant, m'arrête vite à la canetteuse, siffle un fanta, rien d'épatant, une cigarette un peu laiteuse. Croise pas tes sa petite, parle de taf entre deux lattes, du peu de faf, de la salade, du beau temps comme d'une hépatite. Des gosses, des malus, des fausses valeurs qu'on vend par tonne. La chaleur cartonne, on se salue, se dit à plus. Trace rue, abbé belle-mère, en moi une pensée gronde, c'est nique, ça rase la gironde, à sa place j'aimerais une belle-mère. Au fond, Jean Rican, on tombe tous en rond comme l'horloge. Quoi qu'ils diront, blâme ou éloge, le mal est profond dans nos crânes. Au cadran, c'est 20h. Direction le gymnase, une correction pour les plus nazes, comme pour les plus grands feinteurs. En me replaçant, j'en rigole. L'été, c'est un brasier, même sans remplaçant Nicole. Nous, on était pas rassasiés ici, demain, c'est comme ailleurs. Loin de la maîtrise, un mélange d'ennemis, de traîtrise, comme d'humains parmi les meilleurs. Viens m'éloigner d'un ange déchu, moi. Toujours vivant, mal soigné, mais reviens péchu. Pour les miens, les beaux jours suivants. Pour les miens, les beaux jours suivants. C'est la mélodie d'un jour de juin. C'est la mélodie d'un jour de juin. Entre les on-dit et les bons jours de loin. Entre les on-dit et les bons jours de loin. Des mecs maudits au bec, des mêmes toujours un joint. Des mecs maudits au bec, des mêmes toujours un joint. C'est rien, et pour les miens. Ce petit coin de paradis dont ça parodie tout du moins.